Oui, un choc septique, ça te va de sang, quoi. Et donc, du coup, il est dans le coma, et je sais pas quoi, il s'en fout. C'est là-bas ou. Culture d'antibio pour. Ouais, je vois.